le monde du silence à la sagesse de la pieuvre en passant par la marche de l'empereur ou encore Microcosmos, les films animaliers attirent des foules toujours plus curieuses d'un monde sauvage qui fascine et interroge. Ce cinéma documentaire à la croisée des chemins entre divertissement et vulgarisation scientifique sert aussi, malheureusement, dans le contexte actuel de sixième extinction de masse, d'archivage d'un monde qui disparaît. Mais depuis quand le cinéma animalier suscite-t-il un tel engouement et que nous dit son histoire de l'évolution de notre rapport au monde vivant ? Quand les animaux crèvent l'écran, c'est le fil animal que nous allons dérouler aujourd'hui. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de cette histoire du documentaire animalier, de son évolution, nous avons le plaisir d'être en ligne aujourd'hui avec René Heuzé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes plongeur professionnel, réalisateur et producteur de films sous-marins. Nous sommes également en compagnie de Maxence Lamoureux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cinéaste animalier, docteur en sociologie et spécialiste du film animalier en France. Et enfin, nous sommes en ligne avec Gilles Boeuf. Bonjour. Bonjour. Vous êtes biologiste et ancien président du Muséum National d'Histoire Naturelle. Mais avant d'entamer cette discussion, une petite question, Natacha Triou. Est-ce que vous aimez les films animaliers? Évidemment. Bon, bah, ça tombe bien. Bonjour, Natacha. Bonjour, Antoine. C'est l'heure du journal des sciences. Et on commence ce journal avec une étude parue dans la revue PLOS Biology qui annonce la découverte d'un nouveau type de cellules cardiaques. Oui, des chercheurs américains ont découvert, dans le cœur, des astrocytes. Alors, les astrocytes, ce sont un type de cellules gliales. Dans le cerveau, il y a plusieurs types cellulaires. On a bien sûr les neurones qui transfèrent l'information neuronale d'un noyau à l'autre. Et à côté, on a beaucoup de cellules gliales qui sont de différents types, dont les astrocytes. Ce sont des cellules de soutien aux neurones. Et depuis une dizaine d'années, on sait aussi qu'elles ont des fonctions neuromodulatrice. On n'a plus seulement le neurone qui peut transférer l'information, il y a aussi l'astrocyte. Sur des poissons zèbres, les chercheurs ont donc été très surpris de retrouver des astrocytes au niveau du cœur. De plus, ils démontrent que ces cellules influencent et modulent la fréquence cardiaque. Alexandre Charlet est chercheur CNRS à l'Institut des neurosciences cellulaires et intégratives. Le cœur, c'est un organe périphérique, c'est pas un organe central et généralement, les astrocytes restent dans le système nerveux central. Ils sont aperçus qu'il y avait des cellules qui ressemblaient aux astrocytes cérébraux. Et suite à cette observation, les auteurs ont essayé d'identifier les cellules à travers différents marquages spécifiques. On connaît plusieurs molécules qui sont spécifiques des astrocytes au sein du système nerveux central. Donc ils ont regardé si ces cellules astrocytiales cardiaques exprimaient les mêmes marqueurs. Et effectivement, ils les expriment. Donc c'est comme ça qu'ils ont pu déterminer que les cellules spécifiques qui les intéressaient étaient des cellules astrocytiales. C'est une surprise, mais puis finalement, on pouvait peut-être un peu s'y attendre, puisque autant on retrouve donc des neurones, des astrocytes dans le système nerveux central, autant on sait maintenant qu'il y a par exemple des neurones également dans le système digestif, dans les intestins, donc on ne connaît pas encore complètement leurs fonctions. Mais donc, en considérant ça, pourquoi ne pas retrouver également des astrocytes et des cellules qui vont moduler l'information directement au niveau de l'organe périphérique? Ça fait sens, en fait, hein, puisque le cœur reçoit des informations du système nerveux central. Ce sont ces informations qui lui permettent d'accélérer ou de ralentir en fonction de nos besoins. On peut très bien imaginer que ces cellules vont pouvoir donner une dernière touche de modulation du message central vers la périphérie. Donc, les auteurs dans cette étude ont également fait quelque chose d'assez élégant, parce qu'ils ont réussi à supprimer de manière très spécifique ces cellules de certains cœurs. Et en faisant ça, ils n'ont plus réussi à retrouver la stimulation sympathique du système, du rythme cardiaque par le système nerveux central. Ça veut dire ici qu'on a des cellules qui sont astrogliales et qui sont nécessaires pour avoir une modulation cardiaque par le système nerveux central. On peut trouver plusieurs applications plutôt lointaines pour l'instant, puisque les études là sont quand même des études chez les animaux. Il faudra vérifier que les résultats restent valables chez le primate, chez l'être humain. Mais si on a des modulateurs du rythme cardiaque qui sont périphériques, Ça veut dire qu'on va pouvoir chercher et orienter la recherche de médicaments pour moduler le rythme cardiaque, pour les personnes qui sont hypertendues, pour les personnes obèses, etc. Des médicaments qui vont rester en périphérie, qui vont plus avoir d'action dans le noyau central. Et comme tous les jours, vous pouvez retrouver cette étude et les suivantes sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. Vous pouvez réécouter le journal des sciences et toute l'émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Et on passe au bref. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, vient d'annoncer de nouvelles mesures pour faire face à la reprise épidémique de Covid-19. Oui, suite aux recommandations de la Haute Autorité de Santé communiquées ce matin, le gouvernement élargit et accélère la vaccination de rappel. Dès samedi, une troisième dose de vaccin sera ouverte à tous les adultes de plus de 18 ans, 5 mois après la deuxième injection. Les Françaises et les Français majeurs sont donc appelés à se faire vacciner. À partir du 15 janvier, toute personne détentrice d'un pass sanitaire vieux de plus de 7 mois verra ce pass désactivé sans ce vaccin de rappel. À partir de lundi, la validité des tests PCR sera ramenée à 24 heures. Et enfin, dès vendredi, le port du masque deviendra à nouveau obligatoire partout à l'intérieur. En bref, toujours, le Salvador a annoncé le projet de construction de la première ville Bitcoin. Oui, Bitcoin City, la première ville Bitcoin entièrement sécurisée au monde. En Amérique centrale, le Salvador est le premier pays à avoir adopté cette crypto-monnaie en devise nationale. Une monnaie qui, depuis septembre, coexiste avec le dollar américain. La loi Bitcoin en a été approuvée que le 9 juin dernier. Et Bitcoin City est un projet de ville futuriste avec des zones résidentielles, des bars, des musées, des aéroports, enfin tous consacrés au Bitcoin. Elle devrait être construite dans le sud-est du pays, à côté du volcan Conchagua, pour profiter de l'énergie géothermique du volcan. Et enfin, une étude parue dans la revue eLife apporte une nouvelle preuve que nos ancêtres hominidés grimpaient aux branches tout en étant bipèdes. C'est ce que révèle l'étude des fossiles de Issar, une Australopithecus sediba, une espèce d'Australopithèque, découvert en Afrique du Sud dans la grotte de Malapa. À partir de ces ossements vieux de 2 millions d'années, les chercheurs ont pu reconstituer la colonne vertébrale de Issa. Ils ont découvert une ossature intermédiaire entre les humains modernes et les grands singes. Si le haut du corps indique qu'Issa grimpait dans les arbres, le bas du dos montre qu'il est adapté à la marche bipède. La vertèbre lombaire et la forme incurvée de la colonne suggèrent que cette espèce a passé du temps debout sur ses deux jambes. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le journal des sciences de la semaine et pour le journal de la SF. Nous allons parler tout au long de cette heure de la longue et sauvage histoire du documentaire animalier. Nous avons par ailleurs le plaisir aujourd'hui de recevoir deux réalisateurs de films animaliers. Alors je vais commencer par une question peut-être un peu personnelle et professionnelle. Maxence Lamoureux, René Euzé. Maxence Lamoureux, pour commencer, qu'est-ce qui vous a conduit au film animalier ? Est-ce que c'était une curiosité esthétique, scientifique, les deux ? Alors moi, j'étais un spectateur de films animaliers quand j'étais enfant, mais je n'y connaissais rien en fait à la nature avant d'arriver à Ménigout. Ménigout, un petit village dans les Deux-Sèvres où il y a à peine 1000 habitants, mais il y a un festival qui se tient depuis 37 ans, qui s'appelle le Festival du film ornithologique, mais enfin c'est un festival du film animalier, qui accueille 30 000 spectateurs pendant les vacances de la Toussaint. Il y a une petite société de production qui produit des films depuis 30 ans. Et il y a aussi, depuis 2004, une école de cinéma animalier qui accueille une quinzaine d'étudiants par an pour une formation qui dure 2 ans. Donc moi, je suis arrivé en 2008 dans cette école. J'y connaissais rien, à la nature. Et j'ai un peu tout appris là-bas. Et puis, bah, du coup, j'y suis resté. Vous êtes formé sur le tas. René Euzé, même question. Qu'est-ce qui vous a conduit à plonger avec une caméra pour observer la nature sous-marine ? Moi, ce qui m'a conduit à venir à faire de la prise de vue sous-marine, c'est d'une part parce que dans les années 80-90, on disait que la Méditerranée était morte, était une mer morte, parce que j'habite à Marseille, et je démarrais justement la plongée sous-marine, et je rêvais toujours des films du commandant Cousteau, et je voyais que la Méditerranée n'était non seulement pas morte, mais il y avait encore de très belles choses, et c'est comme ça que je me suis dit, je vais apprendre à filmer sous l'eau, j'ai tout appris moi aussi sur le tas, je suis pas allé dans une école audiovisuelle, parce qu'il faut d'abord être bon plongeur avant d'être un bon caméraman sur Terre, et c'est comme ça que je me suis dit, à travers mes films, film, je vais montrer que il y a encore de très belles choses à voir sur Terre, même si ce monde devient de plus en plus fragile. Mais je suis toujours d'une nature positive, et raconter des histoires d'animaux sauvages sous l'eau, c'est quelque chose de fabuleux, parce que c'est pas évident à filmer. Mais lorsqu'on réussit à avoir de très belles images, on est vraiment récompensé de notre passion et de notre patience. Et on viendra bien sûr à ces questions et à ces défis techniques que représente le fait de filmer la nature en soi, mais aussi la nature sous-marine. Gilles Boeuf, vous n'êtes pas cinéaste, mais vous vous êtes collé de près à ces questions de cinéma animalier. Je crois que vous avez été conseiller scientifique, ou en tout cas vous avez un peu travaillé, échangé avec Jacques Perrin au moment du tournage d'Océan. Oui, avec beaucoup de cinéastes, avec Luc Jacquet aussi, on a pas mal travaillé. Dans la marche de l'empereur, oui. Et puis moi, je connais bien Minigout, j'ai été invité comme conférencier, je connais bien aussi Montier-en-Der. Alors Montier-en-Der, c'est pas du cinéma, c'est de la photo, mais je m'émerveille toujours autant devant ces images extraordinaires. Et pour un scientifique comme moi, le cinéma animalier bien fait, c'est un extraordinaire outil d'émotion pour les gens qui nous écoutent. Maxence Lamoureux, est-ce que si on fait un petit peu d'histoire du film animalier, du cinéma animalier, du documentaire animalier, on peut dater dans l'histoire récente du cinéma cette apparition des animaux? Est-ce que ça a toujours été là, en fait, cette curiosité pour le monde sauvage par le prisme du cinéma? Oui, en fait, dès l'invention du cinéma, même les précurseurs du cinéma, on avait déjà des animaux à l'écran dès le départ. Il y a Edward Muybridge qui a fait de la chronophotographie d'animaux. Alors, on n'appelait pas encore ça le cinéma, mais bon, ça revenait à faire du cinéma pour étudier le mouvement de l'animal. Et puis, dès les premiers films des Frères Lumière, on s'est amusé à mettre des animaux à l'écran. Alors, d'abord des animaux domestiques parce que c'était plus pratique. Et puis après, assez rapidement, on s'est dit qu'on allait montrer ce que c'était la vie sauvage. Ouais, dès le tout premier film des Frères Lumière, je crois même la sortie des usines Lumière, il y a un chien et deux chevaux qui tirent une charrette. Donc là, oui, effectivement, des animaux domestiques. Est-ce que le cinéma documentaire animalier a été immédiatement aussi un genre populaire, quelque chose qui était demandé par le public, Maxence Lamoureux? C'était le cinéma, c'était l'attraction, parce que c'était totalement nouveau de voir les gens, les animaux bouger à l'écran. Et à l'époque, l'animal était aussi l'exotisme. On savait qu'à l'époque, on allait voir dans les zoos des animaux qui n'habitaient pas chez nous. Donc on s'intéressait à l'exotisme. Et donc, l'écran, ça permettait de ne pas aller aux zoos et d'amener les animaux directement là où les gens ne pouvaient pas aller aux zoos. Et donc, on leur montrait des animaux. Donc, dès le départ, l'animal, l'image de l'animal animé, en tout cas, était très attrayante, mais comme le cinéma l'était. Mais bien sûr. Et ce cinéma, en tout cas, je crois que dans l'histoire du film animalier, du documentaire animalier, il y a un film américain à la fin des années 20 qui s'appelle Simba, où c'est l'histoire, on suit un couple de scientifiques qui sont dans la savane, et ça s'achève par, justement, la mort du lion en question qui est tué devant la caméra. Qu'est-ce que ça dit déjà de ce rapport au monde sauvage qui a quand même énormément évolué dans l'histoire du cinéma documentaire? Du coup, c'était donc l'attrait de l'animal exotique. L'animal exotique, à l'époque, c'était beaucoup les safaris, notamment en Afrique. Et le premier couple qui a allé filmer, qui était très connu à l'époque, c'est les Johnson. Et effectivement, Osa Johnson avait un fusil à la base, à l'origine, parce que il s'approchait des animaux. Mais bon, une fois qu'on était devant les animaux, il fallait quand même éventuellement les abattre si jamais ils nous attaquaient. Une jeune femme avec un fusil qui pouvait tuer un rhinocéros énorme à l'écran, c'était du spectacle. La démonstration aussi du pouvoir de l'homme blanc sur le monde sauvage, animal, africain, C'est incroyable de se dire que tout ça a à peine 100 ans et que ça a énormément évolué depuis. Gilles Boeuf, là on parle d'une dimension évidemment spectaculaire. Si on en revient à la fonction scientifique de ce premier cinéma documentaire animalier, est-ce que les chercheurs ont immédiatement pris possession de cet outil qu'est la caméra pour documenter, archiver, comprendre même le comportement animal? Oh oui, bien sûr, hein. Par exemple, dans tout ce qui est embryogenèse, hein, les premiers travaux d'embryologie, comment est-ce qu'on part d'un œuf fécondé, d'un zygote, pour aller vers effectivement un animal qui va en embryon qui va se développer. L'image accélérée est extrêmement importante. On l'a fait beaucoup pour le développement des plantes aussi, hein. Il n'y a pas que les animaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un outil très utilisé. Et le cinéma animalier, encore une fois bien fait, a toujours été pour nous quelque chose d'extrêmement intéressant. Sur le plancton, on a beaucoup travaillé, par exemple. Cette image sous-marine, on s'est peu intéressé au plancton, c'est compliqué, mais on a des images absolument fabuleuses à partir justement des expéditions océanographiques qui ont pu être faites. Et le cinéma, c'est quand même l'image qui est animée, hein, a apporté énormément pour comprendre le développement et puis le mouvement. Au muséum, on s'intéresse beaucoup justement au décorticage du mouvement animal, du vol des oiseaux ou de la marche ou de la nage, hein. Et le cinéma est indispensable pour faire ça. Et à ce titre, un nom français très représentatif, c'est celui de Jean Painlevé, qui est considéré comme l'un des pères fondateurs du cinéma scientifique. Je vous propose d'écouter cet extrait de l'un de ses films animaliers les plus célèbres, qui s'appelle L'Hippocampe. C'était en 1934. L'Hippocampe, ou cheval marin, n'est, malgré son aspect étrange, qu'un vulgaire poisson dont la taille ne dépasse pas 15 cm sur nos côtes. Un système d'écusson revêt l'animal de nodosités pointues qui contribue à son aspect médiéval. Sa partie supérieure évoque un cheval, sa partie inférieure une chenille. Seul de tous les vertébrés aquatiques, il se tient pour ainsi dire debout. Cette attitude verticale lui est familière et ne va pas sans lui donner une dignité un peu compassée. Il est le seul aussi à posséder, comme le caméléon, une queue prenante qui lui permet de s'enrouler aussi bien autour d'une algue qu'autour du cou d'un congénère et, pendu par la queue, il n'a pas, comme le singe, victime de la pesanteur, l'inconvénient de se trouver la tête en bas. La protubérance qui évoque le poitrail du cheval correspond bien exactement à la partie antérieure des poissons et renferme de ce fait tous les organes de l'animal. Les organes respiratoires, en forme de houppe, caractérisent le groupe auquel appartient l'hippocampe. La respiration vue de dos montre de quelle étrange façon se soulèvent les petits os de son crâne. Voilà un extrait de Jean Painlevé, L'Hippocampe, en 1934. On entend l'aspect à la fois description, esthétique, un peu désuète, Maxence Lamoureux, dans cet extrait-là. Ce qu'on voit pas à la radio, ce qu'on n'entend pas vraiment non plus, c'est l'aspect biologique, scientifique qui est proposé dans ces films anciens. Et on assiste à d'authentiques dissections, en fait, des hippocampes et d'autres animaux dont parle Jean Painlevé. Est-ce que ça peut pourrait se faire aujourd'hui encore, ou bien est-ce que là, pour le coup, à nouveau, on a beaucoup, beaucoup évolué? Bah, on a évolué, mais c'est vrai qu'à l'époque, là, on est dans du film vraiment scientifique, surtout au début des films de Jean Painlevé. On entend, hein, dans le discours, c'est de la description précise, donc ça, c'est presque logique qu'on en vienne à faire de la dissection. Mais déjà, en fait, quand on écoute le commentaire, on parle de dignité. Voilà, de l'hippocampe, donc on commence à avoir quelques touches quand même d'interprétation en fait du comportement ou de l'apparence de l'animal. Et en fait, quand on regarde le cinéma de Jean Palvet, plus il va avancer dans son travail, plus il va se permettre des libertés artistiques en fait et esthétiques en fait. Il va quitter en fait la pure description scientifique pour aller vers des choses un peu plus artistiques. Et déjà, c'est une évolution. Et déjà, on va aller vers peut-être un peu plus de respect de l'animal parce qu'on y voit autre chose que un pur objet scientifique. Et ça, c'est très, très impressionnant, l'évolution esthétique des films de Jean Painlevé. Je vous invite vraiment à en voir parce que c'est des films magnifiques en soi. René Heuzé, vous, comment vous auriez filmé cet hippocampe que décrit Jean Painlevé? Comment vous pratiquez ces animaux marins-là? Moi, si vous voulez, lorsque je filme un animal, avant de travailler sur lui, je me renseigne toujours auprès des scientifiques qui vont me dire, tu vas les trouver au bon moment, à tel endroit, voilà, j'étudie leur comportement. Ensuite, lorsque je descends dans l'eau, la première chose que je fais, j'attends que l'animal m'accepte. Je ne vais pas tout de suite avec ma caméra le filmer en disant, il faut que je fasse ce plan comme ça ou comme ça. Et je cherche, moi c'est Jacques Perrin qui m'a appris une nouvelle façon de travailler, ce qui me disait, il faut que l'image parle d'elle-même. Et c'est là où il faut rechercher l'émotion dans l'image et surtout d'avoir un peu le regard de cet animal. Parce que lorsque la caméra est un peu le subjectif du spectateur, des spectateurs, Jacques nous disait toujours, il faut que le spectateur ou le spectateur se sente poisson parmi les poissons, mammifère parmi les mammifères. Et ça, pour nous, c'est une philosophie qui est très importante parce que ça montre qu'on respecte l'animal dans son milieu naturel. Maxence Lamoureux, René Euzé dit quelque chose d'intéressant, c'est ce lien avec les scientifiques pour comprendre le comportement des animaux que vous allez filmer. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pratiquez aussi énormément, ce lien, cette discussion, ce dialogue avec les chercheurs qui connaissent le comportement de ces animaux-là? Oui, ils connaissent les comportements et ils connaissent les habitudes, ils connaissent des lieux de regroupement, par exemple, en l'occurrence dans mon cas, par exemple, j'ai fait des films sur les grues cendrées. Si j'avais pas eu tout un réseau de scientifiques qui me permettait de savoir ce qui se passait aux endroits où je devais aller filmer, eh ben il aurait fallu que j'y aille moi-même d'abord, plusieurs fois, pour essayer de comprendre ce qui se passe à chaque endroit. Et en fait, un grand apport des scientifiques pour les cinéastes, c'est la connaissance, quoi, la connaissance qu'ils ont déjà chacun sur leur terrain. Mmh. Ce qui n'empêche pas qu'il faut que le cinéaste, quand même, en connaisse un petit peu, parce que même si le scientifique lui a dit tout ce qu'il savait sur le sujet, le scientifique, lui, il n'a pas la caméra. Il ne sait pas, en plus, ce qu'implique d'avoir une caméra sur le terrain. Voilà. Observer un animal de façon scientifique, ce n'est pas la même chose que de filmer. Donc voilà, il y a l'apport scientifique, des scientifiques pour connaître le terrain, mais après, il y a aussi la connaissance du cinéaste par rapport à l'animal et au terrain qu'il va filmer. Gilles Boeuf, pour vous, ça fait partie de vos missions scientifiques d'accompagner ce genre de projet documentaire autour des animaux, et comment vous vous imprégnez de cette mission-là? Oui, ça nous est arrivé, mais je dirais que ça marche dans les deux sens. Moi, je me rappelle des analyses de films en Antarctique où on découvrait des trucs incroyables qu'on n'avait pas vus nous-mêmes. Hein. D'abord des espèces, je me rappelle des discussions avec Laurent Ballesta, par exemple, parmi d'autres, et puis des amis aussi que connaissent nos deux amis là. Ce qui veut dire que ils nous ramènent des images sur des conseils pour localiser l'espèce au moment adéquat dans l'année, mais après on découvre à partir des images qui nous sont présentées des choses qu'on connaissait pas, hein. Des comportements, des changements de couleur, par exemple. Et puis des relations avec l'environnement immédiat. Donc je pense que c'est une fécondation mutuelle dans les deux sens. Encore une fois, si le respect mutuel entre le scientifique et le cinéaste existe, et c'est la plupart des cas, pour faire des belles choses, ça se passe comme ça, c'est superbe, parce qu'il y a vraiment une fécondation mutuelle pour sortir quelque chose de vraiment extraordinaire, où chacun, autant le cinéaste que le scientifique, sort émerveillé, et spectateur bien sûr aussi. Maxence Lamoureux. Oui, je peux partager une expérience personnelle sur un film que j'ai fait. On travaillait avec des scientifiques sur un sujet, donc sur la grue cendrée, sur la migration qui part de l'Estonie jusqu'à l'Éthiopie. On a suivi une grue qui avait été suivie par un balise GPS jusqu'en Éthiopie avec nos scientifiques estoniens. Donc on était avec eux quand ils ont posé la balise sur l'oiseau, sauf que la balise ne marchait plus quand l'oiseau est arrivé en Éthiopie. Et c'est nous, en tant que cinéastes, qui avons retrouvé l'oiseau, alors presque par hasard, une fois arrivé en Éthiopie. Et du coup, on a pu transmettre aux scientifiques, si en fait l'oiseau est toujours vivant, c'est juste la balise qui marche plus ou qui communique plus ses données. Mais voilà, et ça, c'est vrai que cet échange avec un scientifique qui est dans un monde complètement différent du nôtre, mais voilà, on s'est apporté beaucoup de choses les uns les autres, et c'est vrai que c'est un enrichissement. Ça, c'est quand on peut vivre ce genre de choses, c'est super. On comprend bien que le documentaire animalier est donc un support scientifique de premier choix, et tout ça, ça passe évidemment dans l'histoire du documentaire animalier par des évolutions techniques déterminées. On y vient juste après ça. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. Vous aurez reconnu évidemment le générique de 30 millions d'amis, on ne pouvait pas s'en passer. Je le disais à l'instant, René Euzé, le cinéma documentaire animalier a connu des évolutions techniques déterminantes. Alors on a du mal à imaginer que, par exemple, les premiers films sous-marins étaient filmés en pellicule. Expliquez-nous un petit peu à quoi ressemblait cet attirail du plongeur documentariste. De toute façon, un des pionniers, c'est le biologiste Louis Boutin, qui avait immergé en 1893 son premier appareil. Il l'a mis dans une boîte étanche et il plongeait à l'époque avec des pieds lourds. Le scaphandre autonome n'était pas encore développé. Et donc, c'est ensuite, par les films du commandant Cousteau dans les années, je crois, 1948, qu'il a sorti les premiers films couleur en pellicule. Et ce sont toujours pareil, ce sont des caméras extérieures qu'on met dans des boîtes étanches pour justement qu'on puisse filmer sous l'eau sans noyer les appareils. Sauf qu'il faut savoir, c'est qu'en pellicule, on est très limité par la taille des bobines, et à l'époque, on avait, je crois, entre 3 et 5 minutes d'autonomie pour filmer un animal, et au bout de ces 5 minutes, il fallait remonter, changer cette pellicule. Sauf qu'un animal, lui, ne peut pas attendre. Il ne peut pas attendre que vous ayez changé votre pellicule pour partir. Et c'est pour ça que dans les années 90, la vidéo a débarqué. Moi, j'étais un des premiers à travailler en vidéo, à l'époque en vidéo 8. Et là, j'avais des cassettes à l'époque de 60 minutes. C'était beaucoup plus confortable pour travailler sur des animaux. Parce qu'il faut savoir, c'est que sur Terre, on peut rester le temps que l'on veut pour filmer un animal, que ce soit un oiseau, un gorille ou un lion, mais sous l'eau, on est limité parce que nous sommes sous l'eau, nous ne pouvons pas respirer sous l'eau, nous sommes limités par un temps avec des bouteilles de plongée. Puisque vous parlez de ce documentaire sous-marin et de son évolution, on peut difficilement faire l'économie du passage d'un extrait d'un des tournants cinématographiques et techniques en matière de films animaliers. C'est un extrait du Monde du silence de Louis Malle. Nous sommes en 1956. Delmas rencontre un mérou de 25 kilos qui s'intéresse beaucoup à lui. Les mérous n'ont pas de grosses dents, mais leur gueule est tapissée de râpes jusqu'au fond de la gorge. Il ne fait pas bon y mettre la main. À vrai dire, l'homme et le poisson ne sont pas plus rassurés l'un que l'autre. Mais il y a ce fameux sac de viande. Mais non, pas le sac. Cette fois, ça y est. Il est devenu notre ami. Les plongeurs l'ont baptisé Jojo. Jojo le mérou, m'accorderez-vous cette valse ? Voilà cet extrait avec Jojo le mérou dans Le Monde du silence de Louis Malle qui suivait les équipes du commandant Cousteau, René Heuzé. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette époque-là de tournage sous-marin de documentaires animaliers ? Ben, c'est vrai qu'à l'époque, quand on parlait de films sous-marins, il n'y avait que les films du commandant Cousteau que nous connaissions en France. Et quand on est Le Monde du silence, je crois qu'il a eu même, je crois, une palme d'or au Festival de Cannes. Il nous faisait découvrir un nouveau monde qui était réservé uniquement qu'à quelques élites. Et par contre, avec l'évolution, si on voit le film maintenant avec nos regards, notre nouvelle technologie, puis surtout notre côté un peu plus écologique, on se dit qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus faire et qui ont des limites scandaleuses. Mais c'était une époque et je pense qu'on a évolué, les mentalités ont évolué, les scientifiques ont évolué, le cinéaste a évolué et il faut marcher tous dans la même direction. Maxence Lamoureux, vous avez été baigné, bercé par ce monde du silence quand vous étiez petit ou pas trop ? Non, je le connaissais pas quand j'étais petit. Personnellement, je l'ai vu adulte et j'ai été assez choqué justement par ces scènes de pêche à la dynamite dans un lagon, d'harponnage de cachalots. Il y a des scènes vraiment très crues, mais comme le disait René Heuzé, c'était une autre époque, les choses ont beaucoup évolué. Si on continue à parler d'évolution et notamment d'évolution technique, on parlait du passage de la pellicule à la vidéo puis au numérique. Maxence Lamoureux, il y a aussi un autre élément, c'est la miniaturisation des outils de cinématographique pour filmer. Qu'est-ce que ça apporte en matière d'intimité, de proximité avec les animaux, cette miniaturisation du matériel ? Oui, du coup, le film animalier a toujours suivi les évolutions technologiques, comme le cinéma de manière générale, mais il y a une culture vraiment dans le film animalier pour aller chercher soit la belle image, soit le comportement inédit, soit le point de vue inédit. Et ça se retrouve, d'ailleurs, il y a un exemple, Jean Painlevé, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure, a créé la commission technique au Festival de Cannes, qui remet un prix donc du coup du développement technique, en fait, et un prix qui a récompensé plusieurs fois des films animaliers, notamment. Et donc l'évolution technique et technologique en fait a toujours suivi l'histoire du film animalier et a permis de se rapprocher de l'animal ou en tout cas d'avoir des comportements un peu inédits. Et là, les miniaturisations permet quand même beaucoup plus facile d'aller sur un terrain avec une petite caméra, un petit objectif, qu'avec une caméra, avec une pellicule par exemple. Donc forcément, on va beaucoup plus facilement sur le terrain. On peut maintenant planquer des caméras, ce qu'on ne pouvait pas faire à l'époque. Maintenant, et de se développe depuis comme quelques années les pièges photo. Alors qu'on leur limitation parce que ils font pas de mouvement, on peut pas bouger l'appareil photo. Puis bon, la focale est fixe. Bon, mais bref, ça permet quand même de capter des comportements, des moments que on pourrait pas capter autrement. Ou alors, il faudrait planquer pendant des jours et des jours au même endroit. René Euzet, on parle d'adaptation au comportement des animaux et du fait de s'approcher de ces animaux-là. Comment est-ce que vous préparez ce travail-là en amont d'adaptation au comportement des différentes espèces auxquelles vous allez être confrontés sous l'eau en ce qui vous concerne? Déjà, tout dépend dans quelle mer ou océan je dois aller les filmer. Parce que si, par exemple, je dois aller en Arctique ou en Antarctique, il faut que je prenne déjà des combinaisons étanches pour me protéger du froid, pour résister. Et puis ensuite, selon l'animal, on prend des appareils de type recycleur. Ce sont des appareils qui font pas de bulles et qui nous permettent de rester jusqu'à 4 heures sous l'eau sans remonter. Et c'est très, très important pour nous parce que lorsqu'on fait une prise de vue animalière avec un animal sauvage, qui est purement sauvage, qui bien souvent n'a jamais vu un plongeur, on peut pas lui demander de refaire cette prise-là et de dire « attends, j'ai pas mon point, j'ai pas mon diaphragme, est-ce que tu peux recommencer ?» C'est à nous à nous adapter sur l'animal pour que le documentaire soit réussi, et pas l'inverse, contrairement à une fiction, parce qu'on ne maîtrise pas la nature. Et pour ça, moi, j'ai mis par exemple sur les cachalots, ça fait 10 ans que je filme une famille de cachalots, et j'ai dû passer environ à raison de 2 à 3 mois par an, 3-4 ans, avant que quatre animaux m'acceptent et me reconnaissent. Et ça, je peux le faire uniquement en me faisant accepter et pas en m'imposant. Mmh. Vous parlez de prise, vous parlez de préparation, presque de répétition. Ça fait penser un petit peu à un travail de mise en scène aussi de ces animaux que vous allez filmer, Maxence Lamoureux. Est-ce que selon où l'on se trouve en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, par exemple, qui ont des grandes traditions du documentaire animalier, est-ce qu'il y a des cultures, des grammaires cinématographiques propres à chacun de ces pays pour les documentaires animaliers? Oui, effectivement, comme vous le dites, les Anglo-Saxons ont une culture en fait du documentaire animalier qui est beaucoup plus développée que la nôtre, peut-être aussi un petit peu plus ancienne, mais avec une façon de filmer et surtout de monter les films qu'on pas grand-chose à voir avec les nôtres. C'est aussi dû à une forme de production qui est aussi différente. Le système de production anglo-saxon, on n'a rien à voir avec le système de production français. Et tout ça, ça a des implications sur comment on fait les films, comment on vend les films aussi. Et donc voilà, chacun a sa culture. Après, forcément, avec la mondialisation, tout le monde se copie. Les Français essayent de copier les anglo-saxons. Après, c'est les Allemands et les Autrichiens maintenant qui copient ce que faisait la BBC avant. Mais la spécificité française, c'est le cinéma animalier, c'est-à-dire le film animalier pour le grand écran. Ça, c'est quelque chose qui ne se faisait pas du tout chez les anglo-saxons, mais qui se fait en France depuis Le Monde du Silence et Cousteau. Alors c'est pas une production gigantesque, c'est un film de temps en temps, mais c'est une vraie culture française, une spécificité française. C'est le film animalier de cinéma, et le film animalier de cinéma, c'est pas la même esthétique que le film animalier de télévision, parce que on n'est pas dépendant, on est moins dépendant de contraintes économiques liées à la télévision. Donc généralement, il y a moins de discours, moins de narration humaine, moins de voix off, et donc beaucoup plus de liberté dans l'image, dans l'esthétique. Voilà, et c'est pour ça notamment que on est arrivé avec La Marche de l'Empereur, par exemple, de Luc Jacquet, qui a reçu l'Oscar du meilleur documentaire en 2006. Voilà, et c'était un film français. Et ça, les Anglo-Saxons, j'ai déjà entendu des cinéastes anglo-saxons et allemands dire que c'était la French Touch, parce que voilà, il y a vraiment une grammaire française du film animalier. Restez avec nous, parce que justement, on va en parler dans quelques instants de La Marche de l'Empereur, mais on va aussi évoquer ces questions autour de l'histoire du documentaire animalier, les questions d'éthique, les questions que posent finalement ces documentaires à notre rapport au vivant. Ce sera juste après ça. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden, in the shade. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden, in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden, in the shade. We would be warm below the storm, in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed, in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around, because we know we can't be found. I'd like to be Octopussy's Garden par les Beatles dans La Méthode Scientifique sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure de l'histoire du film animalier et de ce que cette histoire nous dit de l'évolution de notre rapport au monde vivant, mais aussi de la façon dont ces films incarnent l'évolution de nos connaissances scientifiques sur la faune sauvage. Et pour parler de tout cela, nous sommes avec René Heuzé, plongeur professionnel, réalisateur et producteur de films sous-marins. Nous sommes également avec Maxence Lamoureux, cinéaste animalier, docteur en sociologie et spécialiste du film animalier en France. Et enfin, nous sommes en ligne avec Gilles Boeuf, biologiste et ancien président du Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors, quiconque s'est déjà frotté au cinéma sait que le montage est une phase critique dans la conception d'un film. Bonjour Céline Ozen. Bonjour Antoine. Vous avez pu entrevoir cette phase de montage dans le cadre d'une série documentaire qui sera diffusée sur Arte début 2022. Construction animale, les architectes du vivant, c'est une série en 3 épisodes coproduite par Dockland Yard et Bigelow Productions. J'ai rencontré son auteur-réalisateur Geoffroy de la Tulet qui travaille en ce moment sur les premières séquences avec son monteur, des séquences où il a pu, avec son équipe, observer comment certaines espèces construisent leurs maisons, des nids, des galeries ou parfois même des cités entières. C'est un défi complexe, hein, arriver à filmer ces animaux à l'épreuve. Il faut maîtriser la technique, bien sûr, avoir une bonne connaissance des écosystèmes et surtout avoir beaucoup de patience pour se fondre dans le milieu et être là au bon moment, au bon endroit. On est sur la séquence des rats des moissons, donc c'est des roselières à côté de marécages ou de petits cours d'eau. Et le rat des moissons, c'est le plus petit rongeur du monde, ou d'Europe en tout cas. Il est grand comme un sucre et il fait des petits nids qui ressemblent à des balles de tennis, mais qui sont en réalité des boules de tennis de végétaux. Et comment vous avez pu filmer la construction de ces sphères végétales ? Alors, soit on attend que l'animal le fait, soit on aide l'animal, on triche un peu parfois en animalier. Hein. Et là, en l'occurrence, on a opté pour les deux solutions. C'est-à-dire qu'on a essayé de voir comment est-ce que l'animal le fait dans la nature, et après, on a essayé de le reproduire en studio, c'est-à-dire qu'on a créé une roselière à côté d'une maison, ce qui permettait de pouvoir surveiller les rats des moissons en train de faire leur petite maison. Donc il se sert des herbes, des ramifications des herbes, pour les tresser ensemble. Il tresse des maisons qui sont grosses comme des balles de baseball et qui sont perchées un petit peu partout dans les roseaux. Et ce qui est intéressant, c'est que ce nid, c'est quasiment un nid élévateur. C'est-à-dire que le rat des moissons commence la construction de son nid au début de l'été, et avec les saisons et l'arrivée de l'été, toute la végétation grandit et donc le nid s'élève. En s'élevant, évidemment, il s'élève du danger qui peut être à la fois une montée des eaux un peu subite ou des prédateurs qui rôdent sur le sol. Là, par exemple, on a une séquence avec un serpent, c'est une couleuvre à collier. On a aussi une séquence avec un renard, on a une séquence avec, là pour le coup, le rapace lui vient dans le désert. Mais voilà, le nid élévateur du rat des moissons, nous ce qu'on voulait montrer par là, c'est que c'était un animal qui pouvait s'adapter à son environnement, mais qui en même temps a occupé un environnement et a fait avec ce qu'il avait dans cet environnement-là. Là c'est une chaise de traque nocturne, là aussi c'est des conditions particulières pour filmer. Oui, alors en nocturne, aujourd'hui on a des caméras qui permettent de tourner avec des sensibilités voilà, où on n'est pas obligé de tourner en infrarouge. Et on va y rajouter des filex, c'est-à-dire des petites lampes qui permettent d'avoir une ambiance nuit comme si c'était une pleine nuit. Et là, on voit les moindres détails, on voit même les yeux du petit rongeur qui brillent. Alors qu'il est tout petit. Alors, ses moustaches frémir. Oui, alors ça c'est intéressant parce que c'est parfois filmé avec ce qu'on appelle des LAOA. LAOA, c'est des objectifs qui sont très longs, qui permettent d'avoir une vision quasiment macroscopique ou microscopique, tout dépend comment est-ce qu'on le voit, mais de l'animal, et en ayant une vision de l'arrière-champ. Et Fred, le travail du monteur, sachant qu'il n'a pas été présent pendant le tournage, c'est aussi de reconstituer l'histoire. C'est de reconstituer l'histoire, oui, tout à fait, mais c'est aussi pouvoir transmettre ce que le réalisateur a vraiment en tête et pouvoir vraiment l'aider à la construction du film et même apporter plus de créativité, et lui apporter des idées supplémentaires de manière à magnifier le film. Est-ce qu'il y a des séquences, Fred, qui vous ont posé difficulté pour savoir comment mieux l'expliciter ou mieux la... Mieux la raconter. Oui. Parce qu'il y a des procédés narratifs. Tout à fait. Lorsqu'on n'a pas les images adéquates, donc c'est là où le métier est extrêmement intéressant parce qu'il faut trouver des solutions et pouvoir aboutir à une séquence tout en ayant un manque d'images et qui est satisfaisante au final, c'est formidable. Il fait beaucoup d'effets spéciaux en plus. Oui, voilà. Là, tu peux le dire, il a fait. Tu peux le raconter, mais tu t'es amusé à faire quelques effets justement par ce manque d'images. Là, pour le coup, c'est vrai que Fred, il est très fort là-dessus aussi. C'est qu'il est capable d'avoir deux castors sur une image où il n'y a qu'un castor. Voilà. Et la nuit, pouvoir rajouter une lune en incrustation alors qu'elle n'est pas présente. Voilà, on sublime, on magnifie les images, les séquences. Tant que ça reste réaliste, évidemment. Tant que ça reste réaliste et c'est à propos. L'idée, ce n'est pas de mentir sur quelque chose qui ne s'est jamais fait. C'est d'apporter les images dont la narration a besoin. Mais parfois, en tournage, vous pouvez avoir des vrais manques. Et c'est là où, en montage, vous arrivez avec un bon monteur à réparer ou peut-être à pallier des manques qui n'ont pas pu être faits en tournage. Finalement, grâce à votre série documentaire, on va pouvoir apprendre mieux sur ces pratiques de construction à différentes échelles de ces espèces-là, en tout cas. Et en plus, on peut... comprendre qu'on peut s'inspirer de ces procédés. C'est des petites choses de notre quotidien qu'on voit pas et qui se passent sans bruit, sous nos pieds, devant nos yeux. C'est l'idée de ces documentaires, de cette collection, c'est on a des paysages en face de nous, des écosystèmes, des habitats. Il y a des animaux qui y habitent depuis longtemps, qui construisent, qui s'inscrivent dans la durée et nous, on ne les voit plus. Et sauf que ces paysages, la beauté de ces paysages n'existerait pas sans ces animaux. Et nous, c'est un petit peu ce qu'on voulait montrer, c'est-à-dire leur donner la parole d'une certaine manière par rapport à un travail qu'ils font nuitamment, ils font, sans se poser de questions, sans se dire si c'est bien, si c'est mal, sans se dire tiens, je vais être vu, ils le font. Et ça, c'est un petit peu ce qu'on voulait montrer, en tout cas. C'est cette vie animale, mais dans son sens le plus simple possible. Il n'y a pas tant d'effets spéciaux que ça, finalement. On est vraiment plus proche de l'animal. Voilà pour ce reportage en salle de montage d'un documentaire animalier. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Gilles Boeuf, et à cet aspect un petit peu écosystémique auquel s'intéresse maintenant le documentaire animalier. Moi, j'aime beaucoup ce qui a été dit, bien sûr. C'est simple. Je crois qu'en fait, on ne sait pas voir ce qui est autour de nous. Hein. On peut faire du tropical lointain avec des images incroyables. Je me rappelle ces images que j'ai vues récemment sur les panthères des neiges par nos amis extraordinaires. Mais c'est vrai, tout à l'heure, j'écoutais ce que disait René en parlant de comment l'animal qui est là va s'adapter à la présence de l'humain. On a mis 19 ans, les couples Krief, à adapter les chimpanzés de ces bitolis. On ne les adapte pas, c'est nous qui nous adaptons et qui faisons qu'au bout d'un certain temps, ils nous prennent pour une souche, en fait. Hein. Et donc là, on fait de la prise de vue, des images tout à fait extraordinaires. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. Et tous ces apports-là, sur les comportements en particulier, sont très, très, très importants. Sans l'image, on ne pourrait pas faire cela. Et c'est vrai qu'on, ce qu'on a déjà dit depuis tout à l'heure, hein, la cohabitation, la coévolution entre l'image, les techniques que l'on a. J'écoutais les commentaires aussi, bon, certains sont quand même un peu désuets, on l'a dit tout à l'heure, hein. Mm-hmm. Le caractère médiéval de l'hippocampe, même le monde du silence, hein. Oui. René le sait très bien, quand on est sous l'eau, il y a des bruits partout. Écouter des dorades croquer des moules sur des filets au large de 7. Donc, tout ça a évolué, ça change, et le cinéma suit la même évolution. Mais les techniques de prise de vue récentes sont intéressantes. Je terminerai en disant que la différence entre le documentaire et le cinéma, c'est que dans le cinéma, on n'hésite pas à utiliser des animaux imprégnés. Ça change un petit peu les choses, hein. Un ours, ça peut être un loup, un hibou grand-duc, et ça nous permet des fois d'être un espèce de nucléus pour construire autour des images qu'on pourrait pas forcément faire autrement. Il y a un scénario qui est monté sur une histoire animale. Maxence Lamoureux, on arrive là du coup un petit peu à pas feutrer vers une question centrale quand on parle de documentaire animalier. C'est la question éthique, la question de où vous vous placez, vous, par rapport à ces espèces sauvages que vous allez filmer et à quel point vous devez être prudent pour ne pas les perturber. Comment vous intégrez ces questions éthiques-là qui n'ont pas toujours été centrales dans le documentaire animalier ? Non, c'est une très très très vaste question qui ne concerne pas uniquement le cinéaste qui va faire les images, mais qui concerne aussi évidemment le cadre dans lequel lui va faire ses images, c'est-à-dire la production tout simplement. Et qui a écrit le film, pour qui ce film est fait, comment il est financé. Parce que comme on l'a dit, filmer certains animaux sauvages, ça demande énormément de temps pour que l'animal s'habitue à nous, ou pour que on s'adapte, nous, au terrain et comprendre comment fonctionne l'animal, donc pour avoir l'image qu'on cherche. Sauf que le problème, c'est que je vais être le temps, c'est de l'argent. Mmh. Donc voilà. Donc souvent, on essaye de pallier à cette difficulté du monde sauvage en allant financer des animaux sauvages, mais qui sont ce qu'on appelle imprégnés, c'est-à-dire qui sont en fait en captivité, qui ont toujours vécu au contact de l'homme et qu'on va pouvoir mettre en scène facilement devant la caméra. De façon factice, et, enfin, dans un sauvage factice, finalement. Voilà. René Euzet, comment vous intégrez ces questions d'éthique-là dans ce monde si particulier qu'est le monde sous-marin, et comment vous avez perçu, avec votre expérience, l'évolution de ce rapport à l'éthique dans le cadre du documentaire animalier ? Ben, dans le cadre du documentaire animalier sous-marin, c'est quand même très, très spécifique, parce que jusqu'à présent, j'ai jamais connu quelqu'un qui a pu imprégner une baleine ou un cachalot ou ne serait-ce qu'un requin. On peut imprégner certaines espèces, mais pas toutes. Et ça, dans le film Océan de Jacques Perrin et Jacques Luzot, justement, la volonté était d'aller, nous, à la rencontre des animaux sauvages et contrairement à avoir des animaux imprégnés. Et d'où la difficulté était vraiment qu'il fallait qu'on s'adapte par rapport au comportement de l'animal, parce qu'on pouvait pas, on n'avait pas un dompteur de dire, ou un soigneur de dire, par exemple, à la baleine à bosse, bon, ben, aujourd'hui, tu vas sauter, ou tu vas me faire un chant, ou quoi que ce soit. Donc, ce qui rendrait la difficulté beaucoup plus dure. Mais lorsque la patience est là, et lorsqu'on faisait nos images, nous tournons par passion, on ne comptait pas le temps. Moi, j'ai passé des fois 3-4 semaines à attendre de tourner un seul plan. Et ou alors, une fois, tout s'est fait en une journée, notamment sur le Sardine Run, où on a des migrations. C'est la plus grosse migration de sardines qui sont en Afrique du Sud. Vous avez des oiseaux, des fous du Cap, qui percutent l'océan à plus de 100 km/h. Et en dessous, vous avez des dauphins qui remontent des boucles de sardines. Vous avez une baleine, vous avez des otaries, vous avez des requins, et tout le monde est mélangé au milieu. Et là, on est obligé de s'adapter, de faire attention aussi à notre sécurité, parce qu'en aucun cas, on peut maîtriser cette séquence-là avec des animaux imprégnés. Et donc, le challenge est beaucoup plus fort, mais la réussite de l'image est quand même très importante. Mmh. La patience paye dans le cadre de ce type de plan. Alors, on parlait tout à l'heure d'une grammaire bien particulière pour le cinéma animalier. Je vous propose à présent d'écouter un extrait du film qu'on a déjà mentionné, le succès mondial de 2005 de Luc Jacquet, La Marche de l'Empereur. Cette voix, ce chant qui vient vers moi, et ce petit qui appelle, c'est le mien ? Vite, chantez. Vous avez tenu. Tu es revenu à temps. Tu es encore là. Et toi que je découvre, mon merveilleux fils de l'hiver, mon tout petit. Voilà un extrait de La Marche de l'Empereur, Gilles Boeuf. C'est curieux cette anthropomorphisation qui est à l'œuvre dans un tel film, qui est un très beau film. Comment vous, en tant que biologiste, vous percevez ce fait de donner une voix à un manchot empereur sur la banquise ? Écoutez, c'est un peu la réalité, parce que chaque petit, chaque parent reconnaît son propre poussin, le poussin ses parents. Alors, est-ce que c'est anthropomorphisé ? Je pense que c'est difficile de trouver la limite quelquefois. Hein. Bien sûr, scientifiquement, il faut bien se garder de ça. Hein. Le cachalot, il pense différemment de nous, le manchot empereur aussi. Mais il y a des choses qui sont tellement extraordinaires dans la reconnaissance sonore, en l'occurrence, mais qui peut être aussi olfactive. Hein. René le sait très bien, au niveau de nos animaux aquatiques, il y a des choses, des odeurs dans l'eau, mais qui sont absolument exceptionnelles, d'une précision incroyable. Comment un saumon retrouve sa rivière ? Par l'odeur. Hein, de sphères génétiques qui continuent à relarguer ce qu'on appelle des phéromones dans le milieu. Donc, comment est-ce que le cinéma peut rendre ça? Donc, quelquefois, en faisant attention, hein, anthropomorphisé, on peut dire que il faut rester dans la décence si on veut garder une qualité scientifique, ça c'est clair. Mais quelquefois, ça permet un petit peu de faire passer un message plus facilement aux spectateurs. Ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, Gilles Boeuf, c'est que vous évoquez ces découvertes récentes, notamment autour de la sensibilité animale, de l'intelligence même animale, qui est un concept un petit peu débattu, mais en tout cas qui est crucial pour bon nombre de recherches. Est-ce que le documentaire animalier, finalement, s'affine dans sa façon d'être fait pour justement rendre compte de ces découvertes-là et de cet aspect sensible des animaux qui est de plus en plus admis? Bah, regardez ce superbe film récemment qui est sur toutes les antennes en ce moment, hein, sur le professeur Octopus en Afrique du Sud. Hein. Histoire banale, hein. Un type qui plonge dans un écosystème qui est pas si extraordinaire que ça et qui lit cette relation avec un poulpe. Bon, les céphalopodes, hein, les pieuvres, les sèches sont tout à fait extraordinaires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile, en fait. Hein. Moi, par exemple, je mange plus du tout depuis longtemps. Hein. Depuis que j'ai découvert les capacités sensorielles de ces bestioles, je suis incapable de manger ça. Donc, vous voyez, ça joue à tous les niveaux. Mais aujourd'hui, vous savez quand même que les céphalopodes sont les seuls invertébrés reconnus par la loi française comme étant sensibles. C'est fou, hein. Ils sont sensibles depuis qu'ils existent, évidemment. Mais on a dit qu'ils sont sensibles les vertébrés, et parmi les invertébrés, les céphalopodes. Et le poulpe, hein, René les connaît bien, c'est un modèle tout à fait extraordinaire avec une intelligence, j'ai pas peur du mot, hein, qui peut se développer dans toutes les conditions. Il change de couleur instantanément. Un petit, il sait très bien ce qu'il peut faire contre des grands, c'est magique, voilà. Et c'est ce côté émerveillement que le cinéma peut provoquer, et ça, le scientifique en a besoin aussi. Maxence Lamoureux, j'évoquais cette question de l'anthropomorphisation. Est-ce que c'est une question que vous vous posez, vous, pendant que vous tournez un film? Est-ce que vous dites, je vais pas aller au-delà de cette limite-là, je vais pas prêter à cet animal que je suis en train de filmer et que, avec lequel je ne peux pas communiquer des émotions qu'il n'aura pas forcément? Bah, comme le dit Gilles Boeuf, normalement, on va essayer de savoir jusqu'où on peut aller. Effectivement, l'anthropomorphisme, quand on lit des articles ou des critiques sur les films animaliers, c'est souvent utilisé pour décrédibiliser, voilà, parce que prêter de la sensibilité ou des comportements qui ressembleraient à des comportements humains à des animaux, bah, ça a longtemps été considéré comme Allez-y, reprenez votre souffle. Peut-être que je peux poser la même question à René Heuzé le temps que vous buviez une petite goutte d'eau. René Heuzé, même question sur cette question de l'anthropomorphisation. Vous, comment vous placez la limite encore plus forte sous l'eau? Comment vous vous placez? Quelle distance juste vous trouvez par rapport à ces baleines, cachalots, requins que vous rencontrez au quotidien quasiment? Ça dépend des espèces. Hein. Moi, je donne pas un nom systématiquement à chaque animal. Hein. J'ai l'occasion de filmer un ours polaire sous l'eau. Je lui ai pas donné de nom. Par contre, sur les cachalots de l'île Maurice, dans laquelle je travaille depuis 10 ans, avec mon ami François Sarano, qui est océanographe et Huitry, plongeur naturaliste mauricien, nous avons répertorié plus de 120 cachalots. Et pour nous, c'est plus facile et c'est plus humain de leur donner un prénom pour les reconnaître. Parce que si on dit le petit avec la queue coupée comme ça, on trouve pas. Mais le fait de donner un prénom, on le donne bien pour un chien, un chat. Donner un prénom, ça marque une marque d'affection avec un animal. Et ça veut dire que on a tombé la barrière. Attention, le cachalot, c'est Moby Dick, c'est sauvage, ça peut être méchant. Donc c'est en faisant tomber cette barrière-là et en essayant, sans rentrer pour autant dans trop leur intimité, mais d'aller à leurs limites, et ce sont eux qui doivent nous accepter de toute façon, mais c'est surtout de dire, voilà, moi ça ne me dérange pas de donner le prénom à des animaux que je vois régulièrement. Mmh. Maxence Lamoureux, c'est une notion d'empathie finalement dans ce travail de documentariste. Oui, d'empathie, et puis c'est toujours se renseigner auprès des scientifiques et de l'état actuel des connaissances pour pas aller justement plus loin que ce qu'on pense. Mais comme le disait Gilles Boeuf, maintenant on sait que les animaux communiquent, alors forcément ils parlent pas notre langage, mais vu qu'on peut pas faire apprendre aux spectateurs le langage des animaux, bah leur donner du langage ou leur donner des... expliquer leur comportement en utilisant des images qui se rapprochent de l'homme, ce n'est pas trahir au final l'animal ou son comportement à partir du moment où on dépasse pas, effectivement, on trahit pas la réalité scientifique de la chose. Et puis il faut pas oublier que on fait du film animalier, c'est du cinéma, c'est du montage, une reconstruction de la réalité. Et il y a toujours un parti pris, il y a un regard. Donc voilà, c'est faire de l'anthropomorphisme, tant qu'on fait pas de la sensiblerie, et puis si on va pas trop loin, il y a pas de raison de voir les animaux comme des machines. Et donc maintenant, on les montre aussi comme des êtres sensibles qui peuvent communiquer, qui peuvent avoir des réflexions, qui peuvent construire des sociétés. Et qui peuvent disparaître aussi, Gilles Boeuf. C'est aussi l'une des fonctions malheureusement déterminantes actuelles du documentaire animalier. C'est d'archiver ce monde vivant qui est en train de disparaître à vitesse grand V dans le cadre de la 6e extinction de masse. Oui, alors, moi j'évite le mot d'extinction aujourd'hui. Peut-être est-on aux prémices. On est sur un effondrement du nombre des individus dans les populations sauvages. Ça, c'est très clair. Une explosion du domestique et un effondrement du sauvage. Ça, c'est clair. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, des images... Alors, les images, il faut les prendre dans le temps. Regardez les collections du Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. Nous avons quelques espèces disparues, naturalisées. Et on peut suivre l'évolution dans un écosystème sur des prises de son. Le son est incroyable. On a, au niveau du milieu marin, René le sait, on a des banques de sons extraordinaires. Un fond marin pris en 1950, pris en 80 et pris en 2000 et maintenant, c'est pas la même chose. On a des images de forêts tropicales où apparemment on voit pas grand chose de changé. Quand vous mettez le son, il y a des oiseaux, mais ils ne chantent plus. Donc c'est tout ça que l'image va également contribuer à pouvoir garder. Donc des banques d'images, c'est essentiel, à condition qu'on puisse travailler sur les mêmes écosystèmes, pas trop dégradés, sur des temps assez longs. Au niveau du milieu marin, on en a. Ça, c'est clair, les stations marines sont assez anciennes. Au niveau terrestre, c'est pas rare aujourd'hui pour nous que on décrive une espèce vivante d'un écosystème qu'on était allé voir il y a 20 ans, et quand on y retourne, l'écosystème n'existe plus, dans des forêts tropicales un peu partout. Donc c'est là que l'image parmi d'autres, avec le son, sont extrêmement importantes pour garder ces témoignages d'un passé immédiat, et bien sûr, appeler les gens à changer leur comportement pour que demain, on puisse continuer à prendre ces images et avoir du bonheur et du plaisir et à s'émerveiller en les regardant. Et ça explique sans doute aussi l'évolution des thèmes de ces documentaires animaliers qui sont passés progressivement de la sauvagerie impitoyable à une nature menacée. Une toute dernière question et une réponse très rapide. René Heuzé, quel conseil vous donneriez aujourd'hui à quelqu'un qui veut se lancer dans le cinéma et dans le documentaire animalier ? Moi, ce que je lui conseillerais d'abord, c'est qu'il le fasse déjà par passion et vraiment qu'il voudrait faire passer des messages. Parce que je pense que le message actuellement, c'est ce que disait Gilles, c'est protéger nos animaux. Et on peut le faire. On peut le faire. Il suffit que les industriels limitent les surpêches. Il y a beaucoup de choses. C'est toute une volonté parce que l'homme sait faire de très belles choses, mais c'est autant les détruire. Pour ça. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois, Gilles Boeuf, René Heuzé, Maxence Lamoureux, de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure pour parler du documentaire animalier. Un grand merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Nasser Moussaoui. La Méthode Scientifique, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Et ça, c'est à l'infini.